Les sages ont annoncé une sécheresse russe. Mais où que nous allions, Margarita, les nuages nous gardent nuit et jour. Ta simple présence les invite. Et face à des érudits malveillants et à des tourments infondés, les abus sont pesés avec des triomphes inspirés. Persécuté, toi méprisé, pour ta bonté, moi pour la vérité, je ne cesse de te louer, bien aimé, paré d'éternité. Comme la nuit à la clarté, ta peur à ma franchise, cette ruse à ta ténacité. Du dédain le plus froid, nous avons façonné l'été. Les sables, les étoiles de mer, la fin la plus joyeuse pour des êtres qui nous avons façonné l'été, les sables, les étoiles de mer. La fin la plus joyeuse pour des êtres qui aspiraient à s'aimer aussi transparents. Persécuté, toi méprisé, pour ta bonté, moi, pour la vérité. Je ne cesse de te louer, bien aimé, paré d'éternité. Tant de broussailles ont cédé, comme la nuit à la clarté. Ta peur à ma franchise, cette ruse à ta ténacité. Du dédain le plus froid, nous avons façonné l'été. Les sables, les étoiles de mer. La fin la plus joyeuse pour des êtres qui aspiraient à s'aimer aussi transparents.